On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the girl, I play the drums. On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs de 19h30 à 21h30 sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, également sur ontherocks.net et puis en rediffusion à Blois sur ZEF. Je parle un peu vite en ce début d'émission parce que j'ai plein de choses à vous faire écouter ce soir et à vous faire découvrir. On va commencer avec le coup de cœur ce soir dans l'émission comme d'habitude. Le coup de cœur ce soir dans On The Rock, c'est Anna Calvi qui revient avec son dernier album qu'elle a réenregistré. Elle a repris des morceaux qui étaient sortis il y a quelques mois et elle a décidé d'en refaire d'autres versions en invitant des gens de son entourage prestigieux. Alors pas sa cousine non plus, hein, plutôt des artistes assez prestigieux à venir poser sa voix sur la sienne. Eh bien c'est le cas sur ce premier extrait qui est tiré de cet album un peu reboot. C'est Anna Calvi donc avec sa voix féline et sa voix cristalline. Elle invite que la plus rauque et la plus, on va dire, rêche voix de Courtney Barnett. Et vous savez à quel point je suis fan de Courtney Barnett. Donc ça me fait plaisir de voir ces deux-là ensemble. Si vous aimez Anna Calvi, vous pouvez toujours replonger dans les archives d'On The Rocks, dans ontherocks.net, émission spéciale. Il y a une interview d'Anna Calvi où elle dit environ rien du tout, mais ça faisait quand même plaisir de la rencontrer. Voici donc le coup de cœur ce soir, Anna Calvi avec Courtney Barnett. C'est Don't Beat the Girl Out of My Boy. Et c'est le coup de cœur ce soir d'On The Rocks. Hi, I'm Anna Calvi on The Rocks. She was a haven. Nous avons eu Anna Calvi pour démarrer l'émission, qui s'est présentée elle-même, car elle est très polie. C'était tiré de son dernier album avec Courtney Barnett, en invité sur ce morceau avec Don't Beat the Girl Out of My Boy. Et oui, il y a eu une interview d'Anna Calvi dans On The Rocks, qui n'était pas transcendante. En revanche, il y a eu une très belle interview il y a 10 ans, ici même dans les studios, d'Emily Jane White, qui était venue. Elle faisait une petite tournée promo, et hop, elle était venue ce soir-là. Je ne me souviens absolument pas comment, pourquoi j'avais réussi à l'attirer dans mes filets, mais elle était arrivée à ses micros. Elle n'avait pas chanté, mais elle avait parlé, elle avait coprogrammé, et c'était vraiment une rencontre délicieuse, ici en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Vous pouvez retrouver cette interview et cette émission dans l'onglet émission spéciale. Il faut aller un peu loin, hein. C'est dans les émissions d'il y a 10 ans, donc il faut dérouler un petit peu. Et puis voilà, je vais avoir la joie et le bonheur d'interviewer à nouveau Emily Jane White, qu'on vient d'entendre à l'instant avec le morceau Infernal, tiré de son très très bel dernier opus, beau dernier opus, où les morceaux sont assez variés, hein. Il n'y a pas que des morceaux comme ça assez machine et un peu électro, gentiment. Il y a aussi des morceaux beaucoup plus acoustiques. Elle sera en concert à l'Astrolabe le 12 février prochain, et j'aurai la chance donc de l'interviewer à la fois pour la radio, pour On The Rocks, mais pour Astro TV. Donc il y aura des images qui bougent, filmées par mon vieux complice Romain, et donc ça va être un grand moment. À l'instant, donc, c'était Emily Jane White avec Infernal, et je vais être content de retrouver la voix de cette grande artiste. Voilà un autre artiste que je suis très heureux de retrouver. Il avait disparu des radars parce qu'il avait arrêté la musique, tout simplement, alors qu'il était à la tête d'un des groupes les plus populaires des années 90. C'est Michael Stipe, le chanteur de R.E.M., Rapid Eye Movement, qui après avoir fait des stades et des stades, avait commencé à sortir des albums. Alors je dois avouer que j'étais un petit peu passé à côté des derniers albums de R.E.M. Voilà, il en sortait souvent, et puis ils étaient peut-être un petit peu moins bons. Ils restaient toujours bons, mais peut-être un peu moins bons. Et puis il y avait une sorte de, peut-être, de lassitude d'avoir énormément d'albums de R.E.M. qui sortaient. Et puis voilà, ils se sont arrêtés, ils ont arrêté leur carrière. Et puis on a fait peut-être un peu oublier la voix de Michael Stipe. Eh bien, il revient avec un morceau, non pas avec R.E.M., mais en solo. Un morceau dont toutes les ventes, si vous achetez ce morceau sur Internet, iront à la défense de l'environnement. Drive to the Ocean, c'est le nom du morceau de Michael Stipe. Alors, le côté positif, bah voilà, c'est ça, c'est la cause qu'il sert, hein, qui est vraiment, c'est vraiment un militant, évidemment contre tout ce qui peut être Donald Trump aux États-Unis, mais surtout pour la cause de l'environnement. Et puis, l'autre côté positif, bien sûr, c'est ce que je disais, c'est de retrouver cette voix qui m'a quand même bercé pendant des années et des années. J'étais un grand fan de R.E.M. dans les années fin des années 80, début des années 90. Alors le petit inconvénient, c'est que franchement, honnêtement, il n'y a pas vraiment de morceau. On va dire que voilà, je vous mets au défi de chanter le morceau après Michael Stipe. Je pense qu'il n'en reste pas grand-chose, mais c'est une ambiance, c'est plutôt ce genre de morceau avec une ambiance, des paroles, et puis surtout cette voix qu'on est vraiment, vraiment très heureux de retrouver. Voici donc une nouveauté, Drive to the Ocean, c'est Michael Stipe dans The Rocks. Drive through the mountains, the crumbling west. I'll sing like the whales before man was a pest. Radio transistor, my friend by my side. I'll drive to the ocean I'll drive. Sun, where all of God's creatures are gathered as one, surfacing, crowning, we blast right through histories and riches and residue. We came to explore, just look where that got us, look where that got us. We've been here before. Radio transistor, my friend. Radio, love me. Radio, sand. Radio, the ocean. Radio, the end. Oh, of me. Radio sound. Radio the ocean. Vous êtes toujours dans On The Rocks et là c'était le quart d'heure protection de l'environnement puisque nous avons eu Michael Stipe avec Drive to the Ocean et à l'instant le voilà, ça y est, il est arrivé, c'est le premier single tiré du prochain album à paraître de Pearl Jam. Et oui, c'était le dernier single de Pearl Jam qui s'appelle Dance of the Clairvoyance. Alors si vous écoutez On The Rocks depuis 27 ans maintenant, vous savez que j'ai quand même des groupes dont je suis à peu près fanatique. Les Beatles, tellement fanatique que j'en ai tellement passé que je n'en passe quasiment plus jamais. Mais pourtant, c'est voilà mon groupe favori. Bruce Springsteen, évidemment. Et puis Pearl Jam, qui reviendront en concert au mois de juillet à Paris, qui sortent donc ce dernier album. Alors, première écoute de ce morceau, j'ai été assez déstabilisé, beaucoup de basses. Et puis, voilà, on tape du pied quand même, mais je me suis dit, est-ce que c'est assez étrange de sortir ça en premier single. Deuxième écoute, je me suis dit ah quand même c'est pas mal. Et là bah ce soir voilà, troisième écoute, je l'écoute avec vous ce soir et bah voilà, je me trémousse, je danse, voilà, ils réussissent à faire danser ce qu'ils ont peu réussi à faire dans leur carrière. Tout l'album ne sera pas comme ça, Stone Gossard, le guitariste des Pearl Jam, l'a révélé, tout l'album ne sera pas comme ça. Avec ce morceau, ils ont essayé quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Et puis il y aura aussi des morceaux plus rock'n'roll rentre dedans, il y aura des ballades très acoustiques, très douces, toujours avec cette virtuosité des musiciens de Pearl Jam et toujours très concerné puisque le clip de Dance of the Clairvoyance qu'on vient de se passer qui voilà groupe clairement de gauche aux États-Unis, clairement anti-Trump, alors eux vraiment anti-Bush à l'époque et anti-Trump maintenant, et puis vraiment pour l'environnement et la défense de l'environnement. Le dernier clip est très très beau avec beaucoup d'images de nature à la fois belles et à la fois inquiétantes. Voilà, donc c'était Pearl Jam, on se tiendra au courant des prochains morceaux qui vont apparaître, mais en tout cas évidemment je serai le premier à sauter sur l'album. On va continuer avec une nouveauté d'un groupe qui eux continuent dans une version une version un peu plus acoustique de Pearl Jam, on va dire un peu plus proche de ce qu'on fait Pearl Jam à certains moments. Il s'appelle Drive by Truckers, c'est une nouveauté aussi, très beau morceau qui s'appelle Rosemary with a Bible and a gun. As strong as the day was long, Rosemary would sing along, wheels rolling steady down the way. The ashtray, it would fill up twice, the windows down felt nice, as miles stretched the twilight of the day. Driving up I-55, Mississippi zooming by, salvation in the cool November air. I'm searching for the mixture that could paint a pretty picture of the wind blowing through Rosemary's hair. Her daddy always said she was the one who made the night stars could wish upon. By the words as they were written and the opportunities awaiting there. Our time was etched in promise till the truth came down upon us, descending all our hopes into despair. We took our leave and headed north, a tank of $20 worth. How we called her name like sirens call. 25 and on the run, William Eggleston. As we walk far, through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh, girl. When I'm far from home and the cold winds blow, step down some of the folks I don't. Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you on me, can't wait to get back there again. Texas sun. Texas sun. Texas sun. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip. In the big body. In the day, you by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride in the day. You by my side. How does it sound? You and I. Voilà un monsieur qui, je l'avoue, j'ai trop négligé dans The Rock. C'est Leon Bridges qui vient de sortir un dernier morceau qu'on vient d'entendre qui s'appelle Texas Sun. Il a eu beaucoup de succès. Déjà, il y a une de ses musiques qui a été reprise pour la musique d'une pub d'un téléphone avec une pomme dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, ça fait mousser un peu. Mais vraiment, il y a une belle intensité. Il a été souvent comparé à Sam Cooke. Alors, il en a pas la voix. À Otis Redding, il en a vraiment pas la voix. Mais par contre, il a cette espèce de classe à la Marvin Gaye un petit peu. Leon Bridges, voilà, qui avait joué devant Barack Obama, qui avait un peu cassé la baraque avec son premier album. Et bien donc le prochain album arrive, et donc c'était un single qui s'appelait Texas Sun. J'aime beaucoup ça. Et puis Drive By Truckers, c'était Rosemary With A Bible And A Gun. Voici un groupe qui vient de sortir un très très bel album. On parlait de Pearl Jam tout à l'heure avec un morceau un peu surprenant, mais il y a aussi des morceaux surprenants sur le dernier album de Nada Surf. Alors il y a des morceaux où ça ressemble vraiment vraiment à du Nada Surf, et là il n'y a pas de surprise, mais il y a des morceaux un peu étonnants comme ce Matilda qu'on va se passer, qui est assez long, ce qui est rare chez Nada Surf, et c'est presque un morceau progressif. C'est-à-dire il y a plusieurs mouvements, un peu comme dans le rock progressif, un peu comme dans Marillion, un peu comme a fait aussi Paul McCartney à un certain moment, de coller des morceaux qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. C'est toute la face B d'Abbey Road, on va dire, pour résumer. Et voilà, ça donne un morceau. Alors, McCartney avait cette grâce et ce génie, et là encore, même s'il le fait plus trop, de coller ses morceaux avec une cohérence incroyable. C'est pas tout à fait le cas de Nada Surf, je trouve que ça fonctionne que moyennement sur ce morceau, mais il est quand même très intéressant, très beau morceau, mais les parties sont un peu collées les unes à côté des autres. Voici donc donc Mathilda, c'est tiré du dernier album de mes petits chouchous que sont Nada Surf. They used to call me Matilda. My mama kept my hair long. I was more pretty than handsome, and I was not very strong. My voice was kinda high, not a typical guy. They used to call me Matilda. I was never sure why. I felt bad about it, but I didn't get mad. I got sad about it, but I was all that I had. Time. Do you feel like who you are? slice of our numbers feel this way. It's not something we discuss between guys who are straight. And then I looked up with Fred Phillips Gay, but I found no answers. A-t-il déjà aussi bien chanté que sur ce morceau des Sucker Fever? Je pose la question. Ne me répondez pas, ça ne sert à rien. Vous êtes derrière votre poste de radio ou au volant de votre voiture. Je ne vous entends pas, même si vous parlez fort. Taisez-vous. Sucker Fever, donc, My Childhood Died for the Second Time. Non, c'est pas une chanson qui parle des relations de Michael Jackson. Non, c'est un extrait du dernier Hippie des Sequoia Fever, qui est vraiment, vraiment génial, avec des fonds de tiroir, certes, mais des fonds de tiroir remagnifiés par les Sequoia Fever. Et vraiment, c'est une maîtrise là qui m'impressionne, je le dis, je le redis. Et Nada Surf avant avec Matilda, ça aussi c'était une belle surprise, tirée du dernier album, ce morceau assez surprenant, tout en longueur, des Nada Surf. Depuis la mort de Amy Winehouse, on attend une chanteuse, on cherche des chanteuses avec des voix fantastiques qui peuvent vous coller les poils au garde à vous, dans le style un peu black music, soul. Alors bien sûr, il y a Sarah McCoy, bien sûr, il y a Natalia M. King, et puis il y a d'autres chanteuses, il y a Céleste, qu'on se passera tout à l'heure, qui est vraiment une voix magnifique. Et puis il y a une chanteuse qui sort un album, là, début 2020, qui s'appelle Tammy Nailsson. Alors elle a du caractère et ça sent dans sa voix, ça impose le respect. Voici le premier single tiré de l'album à venir, You Were Mine. Rendons à César ce qui appartient à César. C'est Djoubaka sur France Inter qui a diffusé ce morceau. Et voilà, il y a plusieurs programmateurs musicaux sur France Inter. Il y en a qui programment du Angèle, du Roméo Elvis, du Nekfeu, du Lampal, tout ça. Et généralement, pendant ce temps-là, moi, je vais faire un tour dehors. Et quand c'est Djoubaka, eh ben, il m'enchante. Et lui, merci à lui, il m'a fait découvrir cet artiste. J'étais passé à côté. Tammy Nailsson avec You Were Mine. Et franchement, ça feuillette le coup de cœur, ça. Take my heart. It used to be so supple and sweet, and now it's withered on the vine. There's before, and then there's after. You were mine. Take my faith, so strong and full of fire. Now it's bruised, broken down, and blind. There's before, and then there's after. You were mine. Sun comes up, sun goes down, world keeps rolling around and around. The hands on the clock going tick-tock, tick-tock, ain't the way I measure time. This is before, and then there's after. You were mine. Take my hands, they used to hold you so tight. Now they reach, but they never touch you in the night. There's before, and then there's after. You were mine. why we cannot sleep and focus on the phone. The realities we can open up the window and sing with the bees. Yeah, we'll open up the window and scream with the trees. I can't believe you're sitting next to me. Just open up your eyes and tell me, what do you see? Do you see somebody looking back at you? Or do you see somebody that's in love with you? Let's break the clock and learn how to dance. I can't feel my feet or my knees or my hands. Yeah, it must be something in your good night. I can be your baby if you wanna be mine. I'll color in the picture if you just draw the lines. I wanna walk along the beach, cheesy as it sounds, but there's something kinda special about walking around. Cause it forces you to come undone. Yeah, true colors coming out in California sun. And I wanna know what you're thinking about when you're looking at me and your dimples coming out. Do you see someone looking back at you? Or do you see someone that's in love with you? Let's break the clock and learn how to dance. Can't feel my feet or my knees or my hands. Yeah, it must be something in your good night. I can be your baby if you wanna be mine. I'll color in the picture if you just draw the line. Radio Arc-en-Ciel, vous êtes toujours sur On The Rocks avec une nouveauté, d'abord avec Tammy Nielsen et le You Were Mine. Et à l'instant, un de mes albums favoris de l'année 2019, c'était The Regrets avec Coloring Book. On s'est déjà diffusé pas mal de morceaux de l'album, dont celui-ci, et je ne m'en lasse point. Voici une nouveauté qui va un peu calmer l'ambiance, c'est Roseau, ce collectif qui ont sorti deux albums, c'est le deuxième si je ne m'abuse, avec des morceaux qui lorgnent du côté du jazz, comme je le disais la semaine dernière. Ben l'Oncle Soul pose sa voix sur ce morceau de Roseau. Il y a aussi Blik Bassi, il y a aussi Ole Neyman, il y a aussi il y a plein de monde, hein. Il y a Mélissa Lavo, on s'est passé la semaine dernière. Voici donc le morceau Island tiré du dernier album de Roseau. C'est apaisant, ça fait du bien, et c'est Ben l'Oncle Soul qui décidément a une sacrée voix, et mais ça on le savait déjà. Some say I'll never change, I'll leave my lovers in the dark. But you light up every room in me, you light a spark. No matter what they say, oh love, you're always on my mind. You're different from the other girls, you're soulful and refined. Cause I long to take you with my arms. hold you all night through. You show me what it is that I can give. My love for you is true. And I'm the city light, you can make me feel the wide open sea. I can feel the rush of a mountain top when you shine your eyes on me. And I'm the city lights, you can make me feel the wide open sea. I can feel the rush of a mountain top when you shine your eyes on me. My love for you will last past a thousand Friday nights, through all our Saturdays and Sundays full of light. I need your voice and spirit, oh love, now say that you'll be mine. I'll make it worth your while if you just give me the time. 'Cause I long to take you in my arms and hold you all night through. You show me what it is that I can give. You know it's all for you. And I'm the city light, you can make me feel the wide open sea. I can feel the rush of a mountain top when you shine your eyes on me. And the city lights, you can make me feel the wide open sea. And I can feel the rush of a mountain top when you shine your eyes on me. Here is the day, we no longer have to wait, and we can live a little dream, just make for two. You know I'll follow through. And I'm the city light, you can make me feel the wide open sea. I can feel the rush of a mountain top when you shine your eyes on me. And the city lights, you can make me feel the wide open sea. I can feel the rush of the mountain top when you shine your eyes on me. Série, on attend la suite avec beaucoup d'impatience. À l'instant, c'était Céleste qui n'a pas sorti grand-chose. Je crois qu'elle n'a pas sorti d'album, ou alors je suis en train de dire une énorme bêtise, mais je ne crois pas. Elle a sorti des singles, des morceaux par-ci, par-là. Elle a vraiment une voix magnifique. Et ben, j'attends la suite avec impatience. À l'instant, c'était Strange qui pouvait rappeler peut-être les premiers émois lorsque nous écoutions Norah Jones il y a quelques années. Et puis, Roseau avec le morceau Highland. Voici encore quelqu'un qui a une belle voix, même si moi, je préfère lorsqu'il joue acoustique, juste voix piano, voix guitare. Mais en tout cas, il a une belle sensibilité. Et lui aussi, on s'était visité l'album dans The Rocks, l'album précédent, et bien il ressort un hippie, lui aussi, un petit album ou un gros single, enfin je ne sais pas comment on peut dire, un EP quoi, vous avez l'habitude. C'est Azir, chanteur qui nous vient d'Islande et qui le porte haut et fier. Voici un extrait du peut-être du prochain album à venir, je ne sais pas, en tout cas du hippie qu'il vient de sortir. Ça s'appelle Pictures et vous êtes dans The Rocks. Teaching us to love and trust. You gotta be humble, babe. For a while, you wanna find it. You gotta stumble for a while. You wanna get behind it. You gotta run your mouth off once or twice. You gotta eavesdrop when it don't seem right. You gotta run with the devil before you see it, so you can come back later just to free it. You gotta be steely-eyed and driven. You gotta be hard and unforgiving. You gotta run those dogs in the rain and the snow till you turn where it is you need to go. And when you arrive, you will praise it. Every hair on your arm, I will raise it. We're gonna have to wait a while. We're gonna have to wait a while. We're gonna have to wait a while. Deux voix magnifiques dans The Rock ce soir. D'abord Asgeir avec Pictures et juste avant c'était Liv Volbeck avec Wait A While. Lui vient du Canada, du Québec et de Montréal pour être précis. Et vraiment ses albums sont des merveilles. Je le dis chaque semaine, ça va bien finir par porter. Liv Volbeck, courez vraiment écouter ses albums et puis peut-être un jour il reviendra en concert par chez nous. Il était venu en concert rue de Bourgogne à l'époque où l'atelier proposait des concerts absolument formidables. Eh bien j'espère qu'il va revenir par chez nous. On va retourner aux États-Unis avec un son vraiment là très très américain pour le coup. C'est un extrait du dernier album de Jasper Lindell. Ça s'appelle If I Wake Up in the Morning, ce qui pour moi est de plus en plus difficile. If I wake up in the morning, I'm gonna try to be a better man. If I wake up in the morning, I swear I'll do the best I can. If I wake up in the morning, I'm gonna change my ways. If I wake up in the morning, I won't waste my days looking for love in strange places. Cause what if I find it, nothing changes? If I go out tonight, will I keep my head on my shoulders? If I go out tonight, will I call her to come over? If I go out tonight, will it all be for nothing? If I go out tonight, will I find me there something? Looking for love in strange places. What if I find it and everything changes? I it up next time. vous aimez le gros rock américain juteux, festif et plein de camaraderie et de shopping, eh bien vous aimerez sûrement Robert John and the Wreck qu'on vient d'entendre maintenant. C'est peut-être le meilleur groupe actuel de rock, voilà, vraiment rock un peu sudiste, un peu américain, depuis que les Black Rose se sont un peu perdus dans le paysage. Vraiment là, c'est très festif, c'est super. Ils étaient passés en concert au Blue Devil à Orléans, ils ont failli repartir avec mes tympans, mais en tout cas les deux derniers albums sont vraiment vraiment géniaux. C'était I Know It's Wrong à l'instant, et juste avant c'était Jesper Lindell avec If I Wake Up in the Morning. On va maintenant dans The Rock se faire une petite série de reprises pas piquées des hannetons, et on voit ça. Oui, c'est une expression du 20e siècle voire 19e, pas piquées des hannetons, donc avec deux reprises de Prince. Maintenant, tout de suite, la première est d'une inconnue. Alors, inconnue pour moi, hein. Peut-être vous êtes fan de l'autre côté. Alors moi, j'avais jamais entendu parler. Et donc, cette chanteuse offre une version de Raspberry Beret, qui est un morceau que vous savez que j'adore de Prince. Vous savez peut-être pas, mais je vous le dis, je l'adore. Qui avait été repris par Hills également à Rock en Seine cet été, sur scène. Et bien, voici la version vraiment réjouissante. Alors, moins bien que celle de Prince, hein, quand même. De Rachel Garniez, je pense qu'elle s'appelle. Je sais pas. Rachel Garniez, moi j'aurais pas pris ça comme pseudo, si c'est un pseudo. Raspberry Beret. Et puis juste après, une reprise de Kiss par Joan as Police Woman. Alors ça, on s'est souvent passé Joan as Police Woman dans The Rocks. Et bien là, elle livre une reprise étonnante de Kiss. Moins bien que l'original, mais en tout cas très différente les deux reprises. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis si vous aimez les reprises, il y en aura d'autres derrière. Ça va être une petite 20 minutes reprise là qui va nous faire du bien. Le morceau de Prince commençait par 1, 2, 3, je le fais mal, mais là ça commence pas du tout comme ça, ça commence par... You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. Just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. In love, I think you're the sign I'm more compatible with. I just want your extra time. Baby, if you wanna impress me, you can't be too far in my mind. I know how to undress me. I want to be time, give love, leave time. Belle version que ce Kiss de Joan as Police Woman, très langoureux et ça fait vraiment du bien. Kiss et à l'avant, juste avant, pardon, c'était Rachel Garnier avec Raspberry Beret, je vous l'avais promis, dans The Rocks. On va continuer avec les reprises et une très très belle reprise d'un morceau qui est peut-être le plus beau morceau de Joni Mitchell, ou un de ses plus beaux, et d'ailleurs son plus gros tube, qui s'appelle Big Yellow Taxi. En tout cas, c'est le morceau qui a été le plus repris de Joni Mitchell, donc c'est un peu compliqué d'en faire une version intéressante. Et ben là, c'est une version très bucolique avec des petits oiseaux, mais quand même un petit bruit de marteau-piqueur à la fin, mais des petits oiseaux qui viennent vous zouzouter dans les oreilles en même temps que cette version de Sasha Dobson qu'on va se passer maintenant, Big Yellow Taxi, et ça aussi c'est une belle reprise. They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a shitty hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Pay paradise, put up a parking lot. They took all the jeans, put them in a tree museum, and they charged people a dollar and a half just to see. Put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away that DDT now. And give me spots on my apples, but leave me with the birds and the bees. Myself right. dancing that I was raised. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance all day? Is it strange to dance all day? I dance myself into the tomb. Step into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it wrong to understand him? Fear that dwells inside of me. Step out of the moon. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Then again once more, I dance myself out of the moon. I dance myself out of the moon. Myself out of the womb. Encore une très belle reprise à l'instant, celle de Valérie June qui reprenait le Cosmic Dancer de T-Rex, évidemment vous aviez reconnu, avec cette version assez aérienne je trouve. Et puis Sacha Dobson juste avant avec Big Yellow Taxi. Vous êtes toujours dans On The Rocks, encore une grosse demi-heure ensemble pour vous faire découvrir pas mal de bonne musique je pense. Et une nouveauté qui arrive, ce sont les Inspecteurs Clouseau, groupe de rock français qui ne se contentent pas de faire du rock mais font du foie gras, ils font les deux. Et là ils ont décidé de... Alors d'habitude c'est plutôt électrique et c'est plutôt rentre dedans. Et bien là ils ont sorti un album acoustique qui vont bien avec le terroir. Inspecteurs Clouseau donc avec We're the People of the Soil. Alors je ne comprends absolument pas ce que veut dire, mais je ne parle pas très bien anglais. Vous en êtes aperçu au long de ces années. En tout cas, voilà, bah ça fait, c'est assez étonnant de les entendre chanter comme ça acoustique. Et je trouve que franchement, ça leur va pas mal. Voici un extrait donc du dernier album acoustique de Inspecteurs Clouseau. We're the people of the soil. All the time. We are the people of the soil. They got to keep it on mind. Turn, can you hear it when your baby's crying? Turn it on when the sweetheart sighing. Turn it on when you're texting on. You when your baby's crying. Turn it on when the sweat of sighing. Turn it on when you're texting all the time. you know, the cold and wind and rain don't know. They only seem to come and go away. Stand by me, nobody knows the way it's gonna be. Stand by me, nobody knows the way it's gonna be. Stand by me, nobody knows the way it's gonna be. Stand by me, nobody knows. Bien sûr, vous l'avez reconnu. Est-ce besoin de désannoncer ce joyeux drille, l'inénarrable Liam Gallagher, ex-chanteur d'Oasis, qui se rend compte, bien sûr, comme tout le monde, il le sait, nous le savons, son frère le sait, que les meilleurs morceaux qu'il a enregistrés, c'était avec Oasis. Eh bien, il sort un mini-album acoustique, où il reprend le Stand By Me, évidemment, non pas de Benny King, mais d'Oasis, dans cette version vraiment champêtre et sympathique. On a presque envie d'être son ami, on est d'oublier que c'est Liam Gallagher, et qu'il est quand même assez pénible quand même dans une soirée. C'est le copain qui vous fait honte assez vite, je pense quand même. Mais en tout cas, c'est une voix qu'on est toujours heureux de retrouver. Voici une autre voix que je suis très heureux de retrouver. C'est celle de Huey Lewis, de Huey Lewis and the News, qui n'avait pas donné de nouvelles discographiques depuis bien, bien longtemps, très longtemps. Il a été acteur de temps en temps chez Altman aussi, mais surtout, il a été chanteur. C'est celui qui, dans les années 80, avait sorti une série d'albums absolument fantastiques, dont en particulier l'album Forêt, où il y avait son tube planétaire de Retour vers le futur, The Power of Love. Il avait joué à l'époque, je me souviens, au Zénith de Paris, et sur scène, en invité surprise, était monté avec lui Bob Geldof et Bruce Springsteen, quand même. Une voix incomparable, un groupe qui n'a jamais été à la mode, qui a d'ailleurs en a fait un titre d'un morceau dans les années 80 qui s'appelait It's Hip to Be Square. C'est super tendance d'être un gars. Et ils reviennent avec un nouvel album. Alors voici le deuxième extrait de l'album à venir. Je m'attendais à une déferlante de sax, de cuivre, de trucs très chaleureux, un peu voilà, comme on aimait chez Huey Lewis. Eh bien, comme on peut en trouver chez Nathanael Ratcliffe, ça y est, je vais y arriver. Eh bien, bon, un petit peu déçu sur ce morceau, un peu en demi-teinte, un peu en charentaise, mais on retrouve quand même la voix de Huey Lewis. Je vous conseille aussi l'album qu'il avait sorti de reprises de tubes des années 50 et 60, qui était vraiment fantastique. Voici Huey Lewis and the News, très heureux de les retrouver quand même, avec While We're Young. Take a nap in the afternoon. watch your tongue. We're not as good as we once were, but we're as good once as we ever were. Tell the kids we'll be late. C'était Emily King à l'instant avec The Switch, album acoustique, et vraiment là ça ressemble un peu à du Prince, effectivement, ce qu'on vient d'entendre. Et puis juste avant c'était You Elvis and the News avec While We're Young. Ils font pas très jeunes sur ce morceau, mais en tout cas le morceau est sympathique. Allez, on va se passer un gros moment de live dans The Rocks, d'abord avec un morceau enregistré en 1971 au Carnegie Hall de New York par Ike and Tina Turner, c'est leur grand tube Proud Mary. Et puis juste après un morceau enregistré, cette fois c'était à l'Apollo Theater, mais là c'est une petite surprise. right about now. I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. Go now. Working for the mayor. I'd like to do that for you. Every night. But there's just one thing. But you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice big wheel, big wheel, and rough. Big wheel, big wheel, big wheel. And now we're gonna take the beginning of this song and we're gonna do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough. This is the way we do Proud Mary. And we rolling on a river. One more time. Say we rolling on a river. Listen. Left a good job. Down in the city, working for the man every night and day. But I never lost one minute of sleep, and I was worried by the way that thing might have been. Big wheel keep on turning. Je ne diffuserai pas le morceau suivant live parce qu'il est un peu long et Rémi vient d'arriver, il est 28, donc on va se terminer et je repasserai, allez, peut-être ces deux morceaux bientôt enchaîné parce que c'était quand même pas mal. Vous allez retrouver Rémi à la rédac du sport. Je vous retrouve la semaine prochaine et on va se terminer avec un extrait d'un album de Charles Berberian, dessinateur de Dupuis Berberian, qui a livré un très très bel album. J'étais passé à côté. Ça s'appelle Tout pour le mieux. Il y a quelques titres en français. C'est pas ceux qui sont les plus impressionnants. Par contre, il y a des titres en anglais. Il se débrouille vraiment bien. On se termine avec ça. Ça s'appelle Understimate. C'est tiré de son album. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine dans On The Rocks. L'émission sera en ligne d'ici mercredi sur ontherocks.net. Ciao, je vous laisse avec Rémi. Mais d'abord, un petit morceau, le temps qu'il mette ses platines en place. Ciao, bonne nuit et à bientôt. Falling down.